C'est gentil, on commence à avoir froid. Bien. Ça va passer. Tu bloques les gens, on ne voit pas comme ça. Ça va passer, c'est bon. Détends-toi, garçon. Eh, moi j'ai un travail. Eh, toi, qu'on travaille pas, nous. Moi j'ai un travail. Bah, va bosser, feignant. Oh, bah, bien. Non, mais c'est. Moi j'ai un travail. Moi je vais dormir. Bonjour. Bonjour. On va travailler, moi je vais dormir. Ouais, voilà, c'est ça. En prenant votre service à l'hôpital du Rouvray. Bon courage. Merci, toi aussi. Merci. Attention! Oh la vache! Oula, putain, ils ont renversé plusieurs personnes. Ça va? On va faire plus de monde là! Tu vois? Non, non, mais je savais qu'il allait le faire, c'est pour ça que je me suis mis sur le côté quoi. Mais ETC là, la boîte. Il y a été franchement quand même. Est-ce que c'est ça? Oui, oui. 8h06, ça va? Le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Il a pas touché quelqu'un. Si, il a renversé plusieurs personnes. Si. Mais ça va, tout le monde va bien. Ouais. Tout le monde va bien, mais c'est brutal. Ouais. Moi, hier, il y a une nana qui a essayé de m'écraser aussi, au rectorat. Bon, c'est un peu fâché. Ouais, c'est voilà, on va à l'ambiance chaleureuse des camarades réunis de l'Interpro du Rouvray contre cette putain de réforme qui doit pas passer. On met un peu de musique, une musique de lutte pour motiver encore un peu plus les troupes. Voilà, et je rappelle, voilà, faut soutenir les. Je vais me répéter, mais faut soutenir les camarades cheminots qui sont en lutte depuis un mois. Ils ont montré l'exemple, on se doit de les suivre. J'appelle tous les travailleurs, les travailleuses à rentrer dans la lutte pour défendre notre système de retraite. Il y a besoin d'amélioration, mais il faut niveler par le haut et non pas par le bas, comme veut le faire le gouvernement et puis les capitalistes qui veulent nous saigner en fait. Il y a du pognon à se faire avec les retraites comme avec la santé, et il ne faut pas les laisser faire. Comme dirait l'autre, tout est à nous. Merci Bruno. Il y a un an, tu étais sur un autre type d'action, tu tenais pas un poteau stop. Il y a un an, toi, tu tenais pas un poteau stop devant des voitures. Tu étais en train d'arrêter de manger. C'est ça. Ouais. Là, c'est quand même pas du tout le même combat. Hein. On revendique rien auprès de notre hôpital, on revendique rien auprès du ministère de la Santé. Là, c'est vraiment pour les retraites, contre les violences policières, tout ça. C'est pas le même combat. Mais c'est lié. C'est lié, il y a des connexions. C'est quoi. Évidemment parce qu'on est un peu mal géré au niveau du président, au niveau des différents ministères, quand on en est tous là. C'est évidemment, c'est lié. Mais l'état d'esprit n'est pas le même. Ouais. C'est pas la même façon de lutter, c'est pas la même ambiance. Il y a une unité, là on est tous là, alors qu'à la grève de la faim, on était entre nous à 8 dans un petit microcosme. Là, c'est vers l'ouverture, c'est de l'extérieur, c'est vraiment différent. Ça fait du bien, quoi, d'être entouré, d'être collectif. Oui, oui, oui, ça fait du bien. Ça change tout. C'est, je dirais pas que ça fait presque plaisir, parce qu'on le fait pour une mauvaise raison, mais il y a une forme de solidarité, d'unité, que ça, les hommes politiques n'arriveront jamais à nous retirer, je pense. Ouais, puis ils sont en train de se reconstruire partout. Ouais. Ça, je pense que ça touche à peu près tout le monde. Ça fait du bien de se retrouver. Ça fait un an que les gens se retrouvent sur les ronds-points, tous les samedis à manifester ensemble. Il y a des liens qui se créent. Ça, c'est beau pour le pays, ouais. Merci. Et de rien. T'es encore là, toi ?